Approchez-vous les petites bêtes, retirez-vous, entrez chez vous. Approchez-vous les petites bêtes, retirez-vous, entrez chez vous. Approchez-vous les scarabées, repartez, allez-vous coucher. Approchez-vous les papillons, retournez vite à la maison. Venez, venez, petites bêtes, tournez, tournez, tournicotez. Venez, venez, petites bêtes, tournez, tournez. Promenez-vous dessus l'herbette, promenez-vous sur les cailloux. Promenez-vous dessus l'herbette, promenez-vous, rassemblez-vous. Approchez-vous les petites bêtes, retirez-vous, rentrez chez vous. Approchez-vous les petites bêtes, retirez-vous, rentrez chez vous. Approchez-vous les scarabées, repartez, allez-vous coucher. Approchez-vous les papillons,